ta voix ou ta face. Y'a de quoi chez toi qui m'agace. J'veux pas dire que j'taillis à mort, mais j'vois dire que j't'adore. Est-ce que je suis